ce début d'année est riche en observations de l'espace et notamment de deux phénomènes aussi passionnants qu'ils sont lointains et pour certains d'entre eux méconnus. La détection d'un nouveau sursaut radio rapide, un signal radio très lointain donc à 1,5 milliard d'années-lumière, récurrent mais non périodique. Et dans une autre longueur d'onde encore plus courte, l'établissement d'un lien entre un sursaut gamma et une hypernova, soit une supernova extrêmement puissante, l'événement le plus énergétique que l'on connaisse en dehors du Big Bang. Sursaut radio, sursaut gamma, on vous explique tout sur ces étranges explosions aux confins de l'univers. Sursaut radio, sursaut gamma, modulation de fréquence, c'est le programme énergétique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces événements critiques et encore relativement mystérieux, pour certains d'entre eux en tout cas, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphane Corbel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en astrophysique à l'Université Paris Diderot, chercheur au département d'astrophysique du CEA et directeur de la station de radioastronomie de Nancy que nous irons visiter longuement tout à l'heure. Bonjour à vous Frédéric Daigne. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université et à l'école polytechnique, directeur adjoint de l'Institut d'astrophysique de Paris. Vous pouvez suivre eh bien, cette émission en direct sur les ondes radio. Pas tout à fait les mêmes, si un peu les mêmes remarques dont on va parler tout à l'heure, mais à une autre fréquence. C'est en direct donc sur votre poste de radio. Vous pouvez suivre cette émission également en différé sur franceculture.fr ou en podcast via votre application préférée. Et comme toujours, en complément, ça va être là aussi utile pour un certain nombre de liens vers des études, vers des graphiques pour compléter ce que nous nous disons au cours de cette heure en vous abonnant à notre fil Twitter @laméthodefc. Alors, ceci étant dit, donc Fast Radio Burst, FRB pour sursaut radio rapide, Gamma Ray Burst, GRB pour sursaut gamma. Ce sont deux phénomènes bien distincts qui vont nous occuper au cours de cette heure, mais qui ont tout de même un point commun essentiel, c'est que ce sont des émissions de photons, mais à différents niveaux d'énergie, Stéphane Corbel. En effet, vous avez le spectre électromagnétique, donc c'est la lumière, en fait, les ondes qui vont des ondes radio jusqu'aux ondes gamma, donc c'est le spectre, c'est le même phénomène, c'est une onde, c'est le transport d'un champ magnétique et d'un champ électrique. Donc là, on parle d'événements extrêmes, les sources gamma à l'origine ont été découvertes dans le domaine des rayons gamma, d'où leur nom. Et donc c'est le début des années, fin des années 60, début des années 70. Et là, les sursauts radio, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent, qui a été découvert dans les ondes radio 2007. Donc c'est vraiment un phénomène très récent. Frédéric Daigne, peut-être un petit rappel sur ces rayonnements électromagnétiques, sur l'intégralité du spectre, avec effectivement, comme vient de le dire Stéphane Corbel, à un bout, dans l'infiniment petit, des rayons très très énergisants, qui sont les rayons gamma, et à l'autre bout, dans des longueurs d'ondes très très longues, des ondes radio. Oui, tout à fait. Alors, notre œil n'est sensible qu'à un type de lumière, la lumière visible, mais le même phénomène physique couvre une gamme de fréquences ou de longueurs d'ondes très variées. Et du point de vue de ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'astronomie, pendant longtemps, l'astronomie, c'était l'astronomie de la lumière visible, en gros, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et puis, ce qui a beaucoup renouvelé la discipline, c'est la possibilité de commencer à observer les phénomènes à d'autres longueurs d'onde. Alors, il y a d'abord eu la radioastronomie, ce que fait mon collègue à Nancy en particulier, qui s'est développé depuis le sol parce que l'atmosphère est partiellement transparente. Et puis, il y a d'autres domaines de longueur d'onde, en particulier correspondant aux rayonnements les plus énergétiques comme les rayons X ou les rayons gamma, qui sont plus difficiles parce que l'atmosphère les arrête, ce qui est une bonne chose du point de vue du développement de la vie, parce que c'est des rayonnements assez dangereux. Hein. Pour ça qu'on fait pas des radiographies médicales qui, comme le nom ne l'indique pas, sont des rayons X trop souvent. Mais à partir du moment où on a su envoyer des détecteurs dans l'espace, avec en particulier des satellites, ce domaine s'est développé. Et en fait, c'est très riche parce que chaque gamme de longueur d'onde nous renseigne sur des processus physiques d'émission un peu différents ou des régions différentes dans l'univers. Et donc, notre vision vision est beaucoup plus complète depuis qu'elle est multilongueur d'onde. Et on peut préciser pour nos auditeurs qui ne sont pas très familiers justement avec la physique ou l'astrophysique que tout cela, nous on perçoit, on va vous mettre d'ailleurs une illustration sur le fil Twitter de l'émission, le spectre visible, c'est une toute petite longueur d'onde minuscule sur l'ensemble du spectre de ces longueurs d'onde qui vont des rayons gamma jusqu'aux ondes radio, Stéphane Corbel. En effet, tout à fait, c'est vraiment une infime portion et en fait, si on regarde la portion qui est la plus grande, c'est le domaine des ondes radio. Et ça, c'est vraiment la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les radars qui ont été développés pour un usage militaire à l'origine, mais qui ont été récupérés pour être utilisés à des usages d'antennes, de collection de photons radio. Et donc, en même temps, il y avait un développement de l'électronique qui a fait que, finalement, la radioastronomie s'est développée. Il se trouve que, en même temps, certains chercheurs étaient résistants, ont eu vent que les radars, non seulement ils détectaient des avions ennemis, mais en plus, ils détectaient du rayonnement du soleil. Et du coup, la radioastronomie s'est développée par l'observation du Soleil. Bien sûr, après, il s'est révélé qu'un grand nombre de sources émettaient dans le domaine des ondes radio. Donc c'est pour ça qu'en fait, la radio s'est développée après la Seconde Guerre mondiale. Et puisqu'on est à la radio, on peut dire un mot des ondes radio qui vous permettent de nous écouter en ce moment, qui sont très peu dangereuses. Plus on monte en longueur d'onde, moins c'est dangereux et plus ça traverse. En l'occurrence, Frédéric Daigne. Oui, mon collègue a prononcé le mot photon, parce que la petite difficulté en physique, c'est que le même phénomène peut être décrit à la fois de manière ondulatoire. C'est là qu'on parle d'ondes radio, par exemple, mais aussi de manière corpusculaire. Donc les photons, c'est ces petits grains de lumière. Et du point de vue de la dangerosité, ce qui est intéressant, c'est peut-être de regarder quelle est l'énergie transportée par chaque photon. Et l'énergie d'un photon radio est tellement infime qu'elle n'a aucun effet sur un être vivant. Alors que, justement, la dangerosité des rayons gamma ou des rayons X vient du fait que les photons sont très énergétiques, peuvent pénétrer assez profondément dans les tissus, les brûler, etc. Et donc, oui, les ondes radio, c'est peut-être dangereux pour la radioastronomie. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'émissions radio à côté d'un radiotélescope. Voilà, c'est pour ça qu'on a construit un site comme l'Observatoire de Nancy, qui est plutôt un site isolé. Il fallait quand même qu'il soit proche de Paris pour des raisons de communication. Mais en fait, voilà, c'est un site qui est plutôt propre d'un point de vue électromagnétique. Alors même si on parlera peut-être plus tard des observatoires radio qui sont en construction dans des endroits encore plus isolés, bon, finalement, celui-là, il est pas trop mal, même si on a quand même des pollutions par tout ce qui est Wi-Fi, téléphone portable, etc. Donc, qui sont aussi, qui communiquent sur les ondes radio. On vient de vous mettre le spectre, justement, sur le fil Twitter de l'émission. Et puis, on ira visiter tout à l'heure ce radio-télescope de Nancy. On a eu la chance de pouvoir s'y rendre. On a un long reportage qui sera diffusé tout à l'heure à la moitié de l'émission. On va commencer, commençons donc par cette publication dans Nature, par ces sursauts radio rapides, ces FRB, puisque le 9 janvier, Stéphane Corbel, un radiotélescope en Colombie-Britannique a détecté un signal radio, alors qu'il y a un nom à rallonge, c'est un FRB plus plein de numéros derrière. Ce serait un peu laborieux de les lire. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette publication est intéressante et importante? Alors, en fait, c'est une confirmation. En fait, la publication, c'est qu'il y a plusieurs choses. En fait, ils ont annoncé la détection de 13 sursauts radio rapides, donc ce qui est un nombre qui est important. Parce qu'actuellement, on en est à peu près à une détection de une soixantaine. Donc ça, c'est une première chose. C'est 13 d'un coup. Et en même temps, ils ont découvert un deuxième qui répète. Donc, alors, ces sursauts radio, ce sont un phénomène très bref, de quelques millisecondes, où vous avez une émission très intense d'un rayonnement radio. Donc ça, c'est la première chose. Donc, alors, à l'origine, ils ont été découverts en 2007 dans des données d'archives. Donc, c'est-à-dire, c'était quelque chose qui dormait depuis des années dans des archives. Et il a fallu qu'un étudiant se mette à regarder sous l'impulsion d'un directeur de thèse. Mais voilà, voilà. Et donc, on appelle ça des sursauts Lorimer aussi. Voilà, le premier sursaut, donc, c'était par Duncan Lorimer, d'où le nom du sursaut de Lorimer. Et donc, en fait, c'était le premier découvert en 2007. Après, par le télescope Sparks en Australie, et il y a eu de nombreuses années où aucune détection. Donc, alors, il y a eu des détections de sources un peu parasites, donc je ne sais pas si on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais il a fallu attendre la détection par le télescope Arecibo en 2011-2012, pour que justement on découvre un nouveau. Et donc, c'était quelque chose qui devenait de plus en plus fréquent. Alors, concrètement, c'est FRB, pour sursaut radio rapide. Qu'est-ce que c'est? On est à quelle longueur d'onde? Pourquoi est-ce qu'on a mis si longtemps avant de les découvrir, avant de s'apercevoir qu'ils étaient là? Alors, en fait, ils sont détectés sur des échelles de temps très courtes. Donc il fallait avoir la capacité d'aller détecter des signaux sur ces aisselles de temps. Ce qu'on ne pouvait pas faire, et puis aussi d'avoir des télescopes qui ont des champs de vue importants. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, la plupart des télescopes ont des champs de vue qui sont très, très, très, très, très petits. On parle d'une tête d'épingle sur le ciel. Donc alors là, on commence à avoir des télescopes qui ont des très grandes des champs de vue, qui ont des la taille de la Lune, par exemple. Donc ce qui fait, à partir du moment où vous avez des phénomènes qui sont plutôt rares, mais brillants, vous avez peu de chances de les détecter. Donc si vous commencez à agrandir votre champ de vue de télescope, la probabilité de détecter un tel phénomène peu fréquent, elle devient plus importante. Donc c'est ce qui a été détecté à ce moment-là. Et donc l'importance aussi de... On avait un moyen d'estimer la distance de ces objets. Les premières indications montraient que c'était des objets situés à des distances lointaines, voire considérables. C'est-à-dire ? Donc plusieurs milliards d'années-lumière. Extragalactique. Donc, extragalactique. Voilà. Hors de la Voie lactée. Voilà, largement en dehors de la Voie lactée. Donc par ce qu'on appelle la mesure de dispersion, donc... qui est en fait, en gros, c'est puisqu'en fait le temps d'arrivée de ces photons, de ces ondes radio, va dépendre de la nature du milieu traversé. Mm-hmm. Et en fait, en fonction du milieu traversé, on va avoir les fréquences qui vont être décalées. Les fréquences les plus basses vont arriver plus tard. Donc ce que vous détectez, vous arrivez à un signal qui va être décalé dans le temps en fonction de la fréquence d'observation. Donc typiquement, là on est dans le domaine de gigahertz, on est dans le domaine de 20 cm à peu près. D'accord, c'est des très très très grandes ondes radio. C'est, pour donner une mesure, par exemple, les ondes radio de la bande FM, on est à combien ? On est à une dizaine de mètres, voilà le deltacamètre. Donc là, on a ces... Donc en fait, la façon dont ces ondes arrivent, décalées, On a un moyen de remonter, en tout cas avec quelques modèles assez simples, à la distance de ces objets. Et ce qui a frappé au départ, c'était que vous avez des sources, du coup, très brillantes, parce qu'à partir du moment où vous avez la distance, vous êtes capable de remonter au bilan énergétique de ces objets. Et ça, le problème de distance, c'est quelque chose qui est crucial en astrophysique, hein, parce que c'est ce qui va définir en fait le budget énergétique et évidemment l'objet impliqué. Donc ça, c'était des distances lointaines. Émission intense. Émission aussi... très brillant, ça marche aussi. On a l'impression que très brillant, ça veut dire qu'il émet beaucoup de lumière, en tout cas, qui émet beaucoup de radiation, voilà. D'énergie. Et là, et l'énergie qui est libérée, et puis après, un temps qui est très court. Et donc ça, en fait, le temps très court aussi donne une caractéristique sur la taille de la zone émissive. C'est-à-dire des temps très courts, c'est-à-dire de... Millisecondes. Voilà. Donc ce qui implique qu'on a un objet qui est très compact. Donc ça, c'était quand même la première caractéristique de ces objets. Ça, c'est ce que l'on a réussi à déterminer à partir d'un sursaut radio rapide, celui d'Arecibo, pas celui de 2007. Parce que celui de 2007, c'est un signal radio ponctuel uniquement, ou est-ce que c'est un signal radio récurrent ? Alors, en fait, la plupart de ces sursauts radio rapides ne sont ponctuels. Pendant très longtemps, il y a eu un seul qui a été découvert en 2012, qui répétait, donc, mais de façon non périodique. Et là, l'annonce récente d'un deuxième sursaut qui répète, donc ça, c'est la caractéristique importante de ce qui vient d'être révélé par le télescope canadien Chime. Ça, c'est ce qui vient d'être publié début janvier, c'est le deuxième récurrent non périodique, et on verra que non périodique, c'est important. Oui, Frédéric Dagny. Dans les arguments de mon collègue, pour l'instant, s'applique à tous les sursauts rapides, c'est-à-dire le fait que ce soit à grande distance, cette dispersion là, des photons en fonction de leur fréquence, elle est observée pour tous les sursauts radio rapides. À partir de là, ça veut donc tous dire qu'ils sont brillants, puisqu'ils sont loin et qu'on les voit. Et ils sont tous très courts, donc tous, ils doivent être fort émis dans une région qui est de très petite taille. L'argument, en fait, il est très courant en astrophysique. C'est l'idée que si un objet varie sur une échelle de temps T, eh bien, la taille doit être forcément inférieure ou égale à la distance que la lumière peut parcourir pendant ce temps-là. Sinon, ça voudrait dire qu'une région plus grande est capable de varier de manière cohérente en échangeant donc de l'information à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible en physique. Et donc, avec une milliseconde, ça veut dire une taille de 300 km, c'est ça. Et donc, typiquement, il ne reste que très très peu de possibilités astrophysiques de sources aussi petites. Stéphane Corbel, justement, pourquoi est-ce que c'est important On va poser la question à laquelle on n'a pas de réponse, comme ça ensuite on va pouvoir essayer de comprendre pourquoi on n'a pas de réponse. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du type d'objet qui émet ce type de sursaut radio rapide? Honnêtement, non. Voilà, voilà, ça c'est fait. Voilà. Non, en fait, actuellement, on était dans une situation, enfin on discutera des sursauts gamma tout à l'heure, mais qui ressemble un petit peu à la problématique qu'il y avait pour les sursauts gamma, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de modèles que de sources détectées. Voilà. Donc, pratiquement. Parce que vous disiez aujourd'hui, on a une soixantaine de sources, dont seulement deux récurrentes. Voilà. C'est ça. Voilà. Les autres sont des sources ponctuelles, donc évidemment difficiles à étudier, puisque... elles ne se produisent qu'une fois. Et puis un autre élément aussi, où on retrouve au problème des sources gamma, c'est que la localisation de ces sources n'est pas précise. C'est-à-dire qu'en fait, un télescope est caractérisé par ce qu'on appelle un faisceau principal, qui va caractériser typiquement un télescope radio avec une seule antenne. On a des dimensions caractéristiques un petit peu plus faibles que la taille de la Lune. Ce qui fait que finalement, tout à l'heure, si vous regardez une tête d'épingle, vous avez des tas de galaxies. Mais là, vous avez une zone qui est de la taille de la Lune. Vous allez trouver des centaines, des milliers de galaxies si vous cherchez de façon profonde. Donc, une compréhension, le mystère des sources gamma, par exemple, a commencé à avoir une réponse à partir du moment où vous allez trouver des contreparties à d'autres longueurs d'onde. Ici, aujourd'hui, pour l'instant, la détection des sources radio rapides se limite uniquement au domaine des ondes radio. Ce qui est, en fait... ça apporte des informations, mais c'est insuffisant pour trancher entre les modèles. Néanmoins, dans le cas des ondes, des sources radio, on a quand même des informations. Le fait qu'on a du rayonnement qui est polarisé, c'est-à-dire que le champ magnétique, il a une direction préférentielle, il est orienté de façon préférentielle. C'est-à-dire que les photons sont polarisés. Voilà, tout à fait. Donc, ça donne des informations aussi sur le processus. Alors, un moyen aussi, souvent, en astrophysique, c'est de calculer, finalement, la température équivalente de ce qu'on appelle le modèle d'un corps noir, c'est un émetteur, un absorbeur parfait, qu'aurait la source à partir des caractéristiques observées. Et là, on observe quelque chose qui est de l'ordre de 10 puissance 35 Kelvin. D'accord. Donc, une température, ce qu'on appelle température de brillance, qui est extrêmement élevé et qui est impossible d'un point de vue thermique. Donc, ce qui pointe. Pour donner toujours des échelles de valeur, notre Soleil, en termes de température de brillance, on est à combien? On est à température de 6000 Kelvin. Voilà. Alors, les trous noirs, l'environnement d'un trou noir, c'est de l'ordre de millions, dizaines de millions de Kelvin. Mm-hmm. Donc là, on 10 puissance 35, c'est proportionnellement. Voilà. Ce qui fait que, finalement, une façon d'expliquer cela, potentiellement, serait d'impliquer des champs magnétiques plutôt élevé, des astres magnétisés. Le fait est donc d'avoir ce qu'on appelle l'émission cohérente. Donc, Frédéric, l'idée, peut-être c'est que c'est qu'on aura un rayonnement, disons, en apparence plus efficace parce que, mais c'est une physique des plasmas difficile, il y a des mouvements collectifs cohérents des charges qui sont responsables de l'émission observée. Et donc, c'est ça qui donne cette brillance apparente très élevée. Et ça, effectivement, on arrive plus facilement à envisager des processus physiques capables de produire ces mouvements cohérents dans des sources magnétisées. Mmh. Alors, si on combine ça avec le fait que la très petite variabilité implique une source très petite, typiquement on a dit 300 km, donc ça veut dire que qu'est-ce qui peut être en dessous de cette taille-là? C'est soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Et ce sont les seuls voilà. objets voilà, que l'on connaisse qui puissent être à ce niveau-là de densité et de rayonnement électromagnétique, puisque évidemment 300 km dans l'espace, c'est moins qu'une tête d'épingle, c'est même pas un grain de sable, enfin c'est un atome quoi, à l'échelle humaine. Or, il se trouve que les étoiles à neutrons sont déjà très observées dans le domaine radio. C'est le phénomène dit de pulsar, dont on a fêté, je crois, l'année dernière, l'anniversaire de la découverte. Il y a 50 ans. On a fait une émission complète sur les pulsars. Je vais vous mettre le lien sur le fil Facebook de l'émission. Et donc, on peut dire que parmi les très, très nombreux modèles proposés pour les sursauts radio rapides, un très grand nombre d'entre eux, malgré tout, ont au cœur du modèle une étoile à neutrons magnétisée. Mmh. C'est l'idée naturelle suggérée par ces observations. Oui, parce que ce qu'il faut préciser quand on dit qu'un sursaut radio qui a été détecté est récurrent non périodique, c'est-à-dire que c'est l'inverse justement du pulsar dont on ne savait pas justement au début, au moment de sa découverte, de quel type de signal il s'agissait. On l'a même appelé Little Green Man, LGM, parce qu'on pensait que ça pouvait être un signal radio d'origine extraterrestre à cause de sa régularité, parce qu'un pulsar, c'est un métronome quasiment à l'échelle cosmologique. Oui, en effet. Alors, Stéphane Corbel. La fin de vie de certaines étoiles, je dirais plutôt massives. Donc, en général, une étoile est en équilibre tout simplement parce que vous avez, donc au centre, vous avez des forces nucléaires qui s'opposent à la gravité. Donc ça, c'est l'équilibre. Typiquement, une étoile, même le Soleil, toutes les étoiles vont être en équilibre entre les forces de gravité qui vont faire que l'étoile s'effondre et la pression à l'intérieur due aux forces nucléaires, la fusion nucléaire. Donc vous avez cet équilibre. Mais à un moment donné, à la fin de vie de ces étoiles, il n'y a plus de carburant au centre. Donc on va se retrouver à un moment donné à une période où il va falloir trouver un autre état de la matière pour s'opposer à la gravité. Donc notre Soleil, nous, il ne deviendra pas une étoile à neutrons. Il y aura ce qu'on appellera une naine blanche, en tout cas le cœur du Soleil. Donc là, c'est les électrons qui vont s'opposer, qui vont faire une pression d'origine quantique, qui vont s'opposer à la gravité. Dans les cas des étoiles à neutrons, en fait, c'est les neutrons qui s'opposent à la gravité. Il va avoir un état stable de la matière. Et typiquement, on va se retrouver avec une étoile comme le Soleil, voire un petit peu plus, concentrée dans un rayon d'une dizaine de kilomètres. Donc, ce qui fait qu'une cuillère d'étoile à neutrons va peser à peu près 10 milliards de tonnes à peu près. Donc, qu'on peut considérer comme un état assez dense de la matière. Voilà, tout à fait. C'est le milieu le plus dense connu dans l'univers. Et alors, du coup, il y a tout de même. Alors, du coup, maintenant qu'on a tous ces éléments à l'esprit, que nous apprend cette publication du 9 janvier? Quel type d'informations on doit pouvoir en tirer, puisque c'est la deuxième source de signal de sursaut radio rapide récurrent non périodique dont on dispose? Comment est-ce qu'on va pouvoir en extraire d'autres types d'informations, Stéphane Corbel? Là, on en est à un état où on défriche le domaine. En gros, on commence à découvrir finalement le sommet de l'iceberg, parce qu'en fait, ces sources pourraient y en avoir à peu près 10 000 par jour dans le ciel. Donc évidemment, on n'en détecte que quelques-uns. C'est des phénomènes qui pourraient être... Alors, ça concerne toujours la physique de l'extrême. Donc, on en est en train de défricher ce domaine. Alors après, on pourra discuter tout à l'heure d'autres sources transitoires. Les sources au gamma, c'était un petit peu pareil au début. Mais là, ça implique maintenant... On comprend bien ce qui se passe. Les sources de détection d'ondes gravitationnelles sont associées avec une catégorie de ces sources-là. Alors, certains essayent d'associer les sursauts radio rapides aux sursauts gamma. Pour l'instant, c'est absolument pas démontré. Donc ça reste encore à le faire. Mais par exemple, vous allez détecter ces milieux fortement magnétisés. En fait, c'est une physique qu'on ne peut pas faire ici. En laboratoire. En laboratoire. C'est des conditions tellement extrêmes qu'on ne peut pas reproduire ces conditions. Les champs magnétiques qui sont impliqués, on parle de 10 puissance 10, 10 puissance des centaines de millions de Tesla, en fait. Parce qu'il y a tout de même, enfin, il y a deux. Alors, on ne va pas examiner l'ensemble des hypothèses parce que, comme vous l'avez dit, il y a plus d'hypothèses aujourd'hui que de sources d'observation. Il y a tout de même deux grandes théories qui s'affrontent. Il y a le phénomène éphémère ou le phénomène continu. Aujourd'hui, rien ne permet de discriminer l'une de l'autre, c'est-à-dire de savoir si, comme pour les sursauts gamma, il s'agit d'un phénomène éphémère comme l'explosion d'une étoile, une super ou une hypernova, ou un phénomène continu à l'inverse comme un pulsar. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir si c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre. Stéphane Corbel. Ce qu'on pouvait dire au début, c'est que les modèles dominants, c'était des phénomènes catastrophiques, puisqu'on avait un phénomène qui ne se répétait pas. Ça, c'était parce qu'on détectait des signaux ponctuels. Malgré, certains ont été observés pendant des centaines d'heures et n'ont jamais émis de nouveaux sursauts. Donc, pendant très longtemps, c'était une catégorie de domaines dominants, c'est des phénomènes catastrophiques. Alors, la détection, le fait que vous en détectez un seul qui ne répète pas, vous implique au moins pour une sous-groupe de ces sources... ce n'est pas explosif. Alors la question de savoir est-ce qu'on a deux catégories de sources ou de savoir si on a c'est des phénomènes intermittents, ça c'est pas tranché. Donc aujourd'hui on le sait pas encore. Frédéric Daigne ? Non, de ce point de vue-là, c'est aussi un des aspects intéressants de cette publication récente, c'est le fait que tout d'un coup, il y a de nouveaux instruments qui en détectent beaucoup, parce que finalement, la statistique, c'est aussi ça, souvent la clé de la compréhension. C'est quand on passe de 10 événements à peut-être dans quelques années, quelques centaines, on peut commencer. C'est la partie science naturelle de l'astronomie, à classer, à faire des sous-groupes, etc. Et de là, ça peut se dégager quelque chose. Donc là, on ne sait même pas si on a affaire à une ou deux classes d'objets, voire... Ouais. Justement, on va aller faire un tour au radiotélescope de Nancy dans un instant, mais quel est l'avenir de notre compréhension de ces sursauts radio rapides? Est-ce qu'il y a des instruments, d'autres radiotélescopes sur Terre, dans l'espace, qui devraient nous permettre d'augmenter notre champ de vision, à tout le moins, pour pouvoir peut-être essayer d'en détecter plus souvent, Stéphane Corbel? Alors oui, là, actuellement, il y a une révolution qui se présente en radioastronomie. Donc dans, je dirais, allez, soyons une dizaine d'années à peu près, on devrait avoir ce qu'on appelle le square kilomètre ray. C'est l'idée, c'est d'avoir à terme un réseau d'un télescope qui aurait une surface équivalente à 1 km carré, donc qui serait réparti en fait, c'est un instrument entre l'Australie et l'Afrique du Sud. Donc en attendant, il y a des précurseurs... En interférométrie, donc Tout à fait, en interférométrie. Okay. En attendant, il y a des précurseurs qui s'installent. Donc, on peut citer, par exemple, Mercat en Afrique du Sud, qui a été inauguré en juillet dernier, ASCAP en Australie. Mais même pas si loin que ça, puisqu'on va aller à Nancy. On a, alors, dans le domaine, cette fois-ci, des fréquences, des très basses fréquences, en dessous, justement, de la bande FM, de l'ordre de 10 à 85 MHz. On a un instrument qu'on construit à Nancy, qui s'appelle Nénuphar. Alors, Alors, c'est pas forcément l'instrument idéal pour détecter des sursauts radio courts, mais néanmoins, la détection de Chime avec l'expérience canadienne donc annoncée en janvier montre que ces sursauts sont brillants à 400 MHz, très brillants à 400 MHz. Donc, ça donne de l'espoir pour détecter à très basse fréquence, par exemple avec un instrument comme Nénuphar, qui ont des très grands champs de vue, là qui observent quasiment tout le ciel visible. Alors par contre, il y a d'autres difficultés, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, l'émission radio est décalée, plus ou moins quand vous êtes à plus basse fréquence, elle est décalée. Et là, vous avez des sursauts qui peuvent être détectés, enfin décalés sur des dizaines de minutes. Donc pour les détecter, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, surtout si vous n'avez pas l'information sur ce qu'on appelle la mesure de dispersion. Donc là, ça entraîne d'autres problèmes. Mais potentiellement, on peut les détecter directement en imagerie. Donc actuellement, oui, il y a une révolution énorme avec une multiplication d'instruments en radio, mais après aussi dans les domaines, dans d'autres domaines de longueur d'onde, qu'on pourra discuter si vous voulez. Et puis c'est vrai, on a oublié de raconter cette histoire qui a fait les riches heures de la méthode scientifique, de ce faux sursaut radio rapide qu'on pensait avoir détecté au Chili, mais qui était en fait lié à la porte du micro-ondes qui était ouverte à la pause déjeuner. Bon, mais ça c'est une histoire qu'on aime tellement ici. Justement, pour revenir et pour être un peu plus sérieux, pour essayer de comprendre comment on étudie ces FRB, ces sursauts radio rapides, eh bien, nous avons eu la chance de les visiter. Enfin, nous, Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas, vous avez eu la chance d'aller visiter le radiotélescope de Nantes. Et vous nous emmenez justement dans le cœur de ce grand radiotélescope et on est un peu jaloux. Oui. Je vous emmène au cœur de la Sologne, loin de toute civilisation, puisque pour capter les signaux radio, eh bien, il faut une instrumentation et des conditions bien particulières. Et le site de Nancy est idéal pour observer l'univers dans la gamme radio. Loin des villes, entouré d'une forêt, sur un terrain de 150 hectares, la station qui fait partie de l'Observatoire de Paris a été inaugurée en 1953 et reste encore aujourd'hui le quatrième plus grand radiotélescope au monde. Ismaël Cognard, directeur de recherche en radioastronomie rattaché à l'Université d'Orléans, m'a fait visiter les différentes composantes du télescope bien pour comprendre comment les mesures sont faites, comment elles sont traitées et comment elles sont analysées ensuite par les radioastronomes. Donc là, on est au milieu du grand radiotélescope de Nancy. Historiquement, le site de Nancy a été choisi parce que c'était plat et loin de toute grosse industrie qui pouvait émettre des ondes radio, des parasites. Et ici, le fait d'être protégé par une forêt relativement importante fait qu'on est bien protégé des parasites. Et donc ici, on capte les ondes radio, donc de l'ordre de la dizaine de centimètres. Et ce qui explique un peu la configuration, ce maillage qu'on peut apercevoir d'ici. Alors, on est un peu loin, mais... Les miroirs sont constitués de grillages tendus sur une structure métallique. Et ce grillage a une maille d'environ le centimètre. Et le fait que ce soit un centimètre de maillage permet relativement confortablement de recevoir les ondes radio de 10 cm et plus de longueur d'onde. Oui, ce ne sont pas des miroirs tels qu'on pourrait les voir dans un télescope classique. Là, c'est un miroir qui fait une quarantaine de mètres de haut sur une longueur d'une centaine de mètres. 200. Ça s'étend sur près d'un demi-kilomètre. Donc on a ici un premier miroir et il est mobile sur un axe horizontal. Il fait 200 mètres de long et 40 mètres de haut, donc c'est assez imposant. Et le fait qu'il soit mobile sur un axe horizontal, ça va permettre d'aller chercher des sources à différentes hauteurs dans le ciel. Après cette première réflexion, on va sur un deuxième miroir. Alors. Et lui, c'est une portion de sphère. Donc il est courbe. Et le fait qu'il soit courbe une portion de sphère, ça va permettre de concentrer les ondes radio sur le récepteur. Donc les ondes radio reçues par ce télescope sont autour de ce qu'on appelle le gigahertz, donc 1000 MHz, typiquement 10 fois au-dessus de la FM. Et c'est dans ces fréquences-là que l'on observe, par exemple, l'hydrogène des galaxies, l'émission radio des pulsars. Et également, on peut détecter des sources radio rapides. Effectivement, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, on a détecté ce qu'on appelle des sursauts radio rapides. Et avec l'instrumentation que l'on a ici annoncée, une de ces sources qui émet des sursauts de façon répétitive est régulièrement observée. Alors ce qui fait du bruit là au centre, c'est vraiment le foyer qui collecte les ondes qui ont été réfléchies par les différents miroirs qu'on vient de voir. Voilà, à l'endroit où les ondes radio sont rassemblées en quelque sorte, on a un récepteur, on a même un chariot qui porte un récepteur, chariot mobile sur une voie ferrée qui va permettre de compenser la rotation de la Terre et qui est parfaitement au point où se concentrent les ondes radio de la source que l'on veut observer. On y monte ? Ouais. Donc là on s'approche du récepteur. Donc là, on monte une sorte d'échelle de meunier pour aller en haut du récepteur, en haut du chariot mobile, là où on va trouver les derniers collecteurs et les antennes qui vont permettre de capter le signal. D'accord. Donc là, on est vraiment... Alors non seulement on est dans le télescope, mais on est au cœur de vraiment les derniers mètres que font les ondes radio avant d'aller se fracasser sur l'antenne et d'être transformées en signaux électriques. Donc on a là un grand réflecteur qui fait 5 mètres de haut, 3 mètres de large, pour à la fin, au fond, alors on ne le voit pas parce que c'est fermé, au fond on va vraiment toucher l'antenne. Il faut imaginer un petit bout de métal sur lequel arrive l'onde radio et qui va faire qu'on va à la fin avoir des électrons qui vont bouger dans ce bout de métal et faire un signal qu'on va analyser pour chercher toutes sortes de radio bursts ou autre chose. Ah, le chariot est en train de bouger. Donc là, le chariot va se déplacer vers la gauche. Il y a plusieurs façons de faire des observations. Soit on fait, le nom parle très bien lui-même, de la poursuite continue, c'est-à-dire qu'on se met sur la source dès qu'on peut, et puis on la suit pendant à peu près une heure. Hein. La longueur de la voie focale fait qu'on a à peu près une heure d'observation. Soit on fait des choses un petit peu plus compliquées, où on va suivre la source pendant un certain temps, revenir pour pointer une région du ciel un petit peu à côté, mais dans les mêmes conditions exactement, et on va faire une sorte de soustraction, c'est ce qu'on appelle le « on-off ». Donc voilà, le chariot peut faire des mouvements divers. Alors je propose d'aller au plus près des récepteurs de l'autre côté. Donc là, on va arriver sous le miroir mobile. On va pouvoir monter dans la structure du coup. Voilà, tout à fait. Et là, c'est parti. Donc là, il y a une passerelle, il y a un escalier pour accéder à la passerelle sur lequel se situent les miroirs, qui est à peu près une dizaine de mètres de hauteur. Et là, ce que l'on vient d'entendre, c'est le démarrage pneumatique du groupe électrogène qui va fournir l'électricité au miroir. Donc celui-ci va très bientôt démarrer. D'accord, donc il va le premier. Voilà, c'est le numéro 2 qui démarre, parce que c'est lui qui est maître, et il entraîne le 1 et le 3 qui sont ses esclaves. Donc voilà, les miroirs tournent et on voit est-ce qu'on les voit ? L'axe est à une vingtaine de mètres de haut là-haut et ça tourne comme ça. Ah oui. On va monter si vous voulez. Donc là c'est bon, il est en place ? Alors là non, là on entend que ça tourne encore et il est en mode petite vitesse. Parce qu'on a un mode grande vitesse où les miroirs peuvent bouger à 6 degrés minute. Alors ça paraît beaucoup mais... Donc là on entend tous les coups d'air comprimé pour libérer ou au contraire mettre les freins. Donc là, ce qu'on entendait, c'était le petit bruit parce que le miroir était en train d'aller à toute petite vitesse exactement là où il fallait. Parce que le pointage se fait en deux phases. Une première phase où on est à pleine vitesse. Après, on laisse la structure tranquille quelques secondes. Et en fait, on a des inclinomètres, quelque chose qui mesure comment est-ce que les pieds sont un petit peu déformés par le poids, par le vent, par le soleil qui fait de la dilatation, tout ça. Et après, voilà, on fait un dernier pointage final pour aller exactement à la bonne position. Et donc là, on l'a préparé pour observer quoi ? Alors là, plus spécifiquement. Je sais pas. Donc en tout cas, cet après-midi, il va y avoir une observation qui va être mise en route. Voilà, le chariot, on le voit de là-bas, qui était là tout à l'heure. Là où on était tout à l'heure. Voilà. À 250 mètres, là, on voit le chariot, il a rebougé. Donc, il s'est mis en position pour, dans quelques minutes, enfin, ou quelques dizaines de secondes, attraper la source. Et donc, le chariot va se mettre à la suivre. Oui, là, le pointage, voilà, toc. Donc là, les miroirs sont positionnés. Et puis, l'observation va démarrer. En silence. Tout à fait en silence. Pendant l'observation, les miroirs ne bougent pas, seulement le chariot mobile et son récepteur compensent la rotation de la Terre. Donc, voilà, le télescope, il peut enchaîner 24, 25, une cinquantaine d'observations par jour en général, des plus ou moins longues, et puis ceci jour après jour. Donc on a un opérateur qui prépare les observations pour typiquement 24 heures en avance. Et donc ensuite on va pouvoir aller dans les laboratoires. Voilà, je pense que là on peut aller se mettre un petit peu au chaud dans le laboratoire où arrivent les signaux qui proviennent des récepteurs et d'où partent évidemment toutes les commandes pour tous les mouvements qu'on a vus là des miroirs et du récepteur aussi. On y va ? Donc en fait ici on est dans un peu la salle de contrôle. Alors tout à fait, là on est vraiment dans la salle de contrôle, on voit qu'il y a des baies vitrées qui donnent une vision sans obstacle sur le télescope. Donc c'est ici qu'est installé l'opérateur, la personne qui va recevoir des scientifiques les détails de l'observation à faire et qui va prendre toutes ces observations, les mettre à la queue-leu-leu et va les envoyer au télescope pour qu'il les déroule les unes après les autres. Alors de temps en temps, le télescope se coince pour une raison ou une autre et dans ce cas-là, l'opérateur quitte son siège, se déplace sur place et puis essaie de remédier au blocage. Alors ce grand radiotélescope, actuellement, il observe à peu près trois quarts du temps des pulsars et une classe particulière des pulsars qu'on appelle les pulsars ultrastables, que l'on va utiliser, nous l'équipe à Orléans, pour chercher une signature des ondes gravitationnelles très basse fréquence. L'espace-temps est dilaté, comprimé par les ondes gravitationnelles, et cette dilatation et cette compression fait que le temps de trajet d'une impulsion radio émise par un pulsar quelque part dans la galaxie pour arriver sur Terre, ce temps de propagation-là va changer selon qu'il y a onde gravitationnelle importante ou pas. Donc un réseau de pulsars bien répartis dans la galaxie peut servir à étudier les déformations de l'espace-temps à l'échelle de la galaxie. Donc on fait de cette façon-là un détecteur d'ondes gravitationnelles très grande longueur d'onde ou très très basse fréquence. Et avec ce genre d'instrument, on va pouvoir tenter de détecter les ondes gravitationnelles qui sont émises par les trous noirs binaires supermassifs. Voilà, donc il y a encore de la vie scientifique autour de ce télescope. Voilà une visite complète du radiotélescope de Nancy. Vous travaillez, Stéphane Corbeil, une petite réaction à ce que vous venez d'entendre. Oh ben voilà, oui, vous avez une belle balade avec Ismaël, donc le travail qui est fait là-bas, donc et surtout oui, sur l'observation des pulsars qui sont un élément crucial pour justement se comprendre ces objets compacts et finalement que ces pulsars aussi, ils ont, par rapport à ce qu'on discute tout à l'heure sur les sursauts radio, donc c'est des pulses en fait qui on détecte de la même façon, avec qui sont décalés avec en fonction de la fréquence aussi. Donc décalé vers le rouge. Voilà, décalé en fait, en tout cas les basses fréquences arrivent plus tard, donc c'est la même chose qu'on retrouve, et donc c'est la mesure de dispersion. Et c'est pour ça que finalement, les pulsars de notre galaxie, il y en a à peu près plus de 2000 détectés aujourd'hui. Donc on a la mesure de dispersion dans notre galaxie. Et tout à l'heure, on avait dit qu'ils sont typiquement de l'ordre de quelques dizaines d'unités à quelques centaines, la valeur vers qu'on se rapproche de la région centrale. Et bien finalement, avec les sursauts radio rapides, où on a des valeurs de plusieurs 500, voire 2000-2500, donc c'était vraiment une indication, quand on comparait aux pulsars, finalement que les sursauts radio rapides étaient vraiment extragalactiques, en dehors de notre galaxie. Okay. Frédéric Daigne, sur ce reportage, vous étiez jaloux parce que vous dites que vous n'êtes même pas vous monté là où Céline est montée, alors oui. Que vous allez visiter le radiotélescope de Nancy tous les ans avec vos étudiants. Oui, tout à fait, mais je pense qu'on est trop nombreux pour avoir le droit de montrer jusqu'au détecteur. Oui. Mais on a parlé plusieurs fois de pulsars, il y a quand même une différence importante, c'est que les pulsars, quand ils ont été découverts, dans les mois qui ont suivi, il y a eu consensus sur l'explication scientifique. Après, les détails sont très compliqués à comprendre, mais le fait que ce soit des étoiles à neutrons magnétisées et que ce soit un rayonnement produit au voisinage des étoiles à neutrons a fait immédiatement consensus. Alors que dans le cas des sursauts rapides ou des sursauts gamma en leur temps, il y a un temps très très long entre la découverte et la compréhension physique. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h40, nous poursuivons notre exploration de ces sursauts astrophysiques que l'on comprend pas très bien pour le cas des sursauts radio rapides, un peu mieux désormais pour le cas des sursauts gamma. Nous en parlons donc avec Stéphane Corbel, qui est professeur en astrophysique à l'Université de Paris, Diderot, chercheur au département d'astrophysique du CEA et directeur de la station de radioastronomie de Nancy, et donc avec Frédéric Daigne, professeur à Sorbonne Université et à l'École Polytechnique et directeur adjoint de l'Institut d'astrophysique de Paris. Modulation de fréquence, donc, puisque c'était le titre de cette émission, on passe des très très grandes longueurs d'onde aux très très très petites, beaucoup plus énergétiques aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, Frédéric Daigne, pour parler des sursauts gamma. Alors c'est quoi un sursaut gamma, pour commencer simplement? Disons que à peu près une à deux fois par jour, dans le ciel, il y a un point, et on ne peut absolument pas prédire à l'avance dans quelle direction ça va être, qui devient extrêmement brillant et qui, pour une durée très courte, devient plus brillant que tout le reste de l'univers. C'est les phénomènes lumineux les plus brillants connus dans l'univers. Alors, lumineux au sens général, hein, c'est des rayons gamma, pas de la lumière visible. Et en fait, c'est donc des phénomènes qui ont été découverts assez tôt au début de l'astronomie gamma, parce qu'ils sont très très brillants, mais du fait de leur caractère imprévisible, eh bien, on a la même difficulté que celle qui était mentionnée avant. Pour pouvoir les étudier, il faut avoir des instruments qui couvrent une très grande région du ciel. Et donc cette découverte a eu lieu tout à fait de manière fortuite à la fin des années 60 avec des satellites militaires, en fait, qui... Donc, bon, voilà, on pourrait expliquer pourquoi. Bah, on peut expliquer pourquoi, on peut dire qu'à l'origine, on cherchait à détecter... On est très peu de temps après le traité de Moscou, le début des négociations entre les deux blocs sur la limitation des armements nucléaires. Des deux côtés, d'ailleurs, il y a eu un programme similaire du côté russe, mais donc du côté américain, un programme de satellite a été développé pour essayer de surveiller des essais atomiques clandestins. Et une explosion atomique dans l'atmosphère dégage un rayonnement gamma caractéristique. J'imagine qu'ils ont détecté des essais, puisqu'il y avait des essais aériens, ne serait-ce qu'au Sahara, les essais français, mais en tout cas, ces satellites ont détecté des phénomènes naturels, les sursauts gamma, et il a fallu 30 ans avant d'avoir un début d'explication. Et la raison, c'est qu'on n'avait pas la distance. Parce que l'astronomie gamma, une des particularités, c'est qu'il est extrêmement difficile de localiser précisément les sources. C'est pas une astronomie où on peut faire, tout à l'heure on parlait de miroirs en ondes radio. On ne peut pas fabriquer des miroirs ou des lentilles. Les détecteurs de rayons gamma, c'est plutôt des cristaux qui disent « je viens d'être traversé par un photon gamma ». Si on fait une électronique bien pensée derrière, on peut compter ces photons, on peut donner leur énergie, mais savoir d'où ils viennent, c'est très difficile. Il ne peut pas y avoir le même type de calcul dont parlait Stéphane Corbel de dispersion, voilà, qui permettrait justement de... Alors la dispersion dont parlait Stéphane Corbel, elle a une dépendance très forte à la fréquence, et là on est à des fréquences tellement élevées que la dispersion est complètement négligeable. Les photons gamma, en gros, vont à la vitesse de la lumière dans le vide, enfin qu'il soit dans le milieu intergalactique ou dans le vide, ça fait pas de différence. Donc on n'avait pas cette information là. On avait une première information qui s'est confirmée progressivement avec le temps quand on a accumulé un nombre de sursauts gamma, c'est que la distribution dans le ciel était ce qu'on appelle isotrope. Il n'y avait pas de région privilégiée dans le ciel. Ça, c'était un indice très fort du caractère extra-galactique des sursauts gamma, parce que dans le ciel, notre galaxie occupe une région bien particulière, la Voie lactée. Et il n'y avait pas du tout d'accumulation. Et puis, comme souvent en astronomie, ce qui a été l'étape clé qui a eu lieu en 1997, donc oui c'est ça, 30 ans après la découverte, quand on a, avec un satellite qui s'appelait Beposax, un satellite qui était principalement italien, on va dire, l'idée c'est que ce satellite est un des premiers satellites multilongueur d'onde. Il disposait à son bord à la fois de détecteurs gamma et X, rayons X, et en rayons X, on peut localiser un peu mieux. Et donc, il y a eu pour la première fois des sursauts gamma détectés dans ces deux domaines de longueur d'onde. Alors précisément, ce qu'on a compris, c'est que l'émission gamma était suivie immédiatement après d'une émission en rayons X. Et cette émission en rayons X, elle a pu être localisée un peu plus précisément. Alors, les astronomes s'étaient préparés à ça, donc ils avaient organisé un canal de transmission rapide de l'information. À l'époque, il n'était pas encore hyper optimisé, donc en quelques heures, une demi-journée, je crois, la première fois, l'information de la localisation est parvenue dans tous les observatoires du monde, et on a cherché cette fois avec des télescopes dans le domaine visible, et on a découvert une contrepartie dans le domaine visible, et dans le domaine visible, pour le coup, on a une localisation très très précise. Et on a aussi la capacité de mesurer ce qu'on appelle le spectre de la lumière, c'est-à-dire la façon dont les photons s'organisent en fonction de leur énergie, et cette lumière est apparue très fortement décalée vers le rouge. Et ça, voilà, le décalement vers le rouge, bah, je vais vous laisser le dire, parce que ça, de manière extrêmement claire, le décalage vers le rouge étant permettant d'établir la distance, puisque c'est l'expansion de l'univers. Depuis Hubble, depuis Hubble, pas le satellite, Hubble l'astronome, on sait que le décalage vers le rouge est une signature des objets les plus lointains, c'est un effet cosmologique lié à l'expansion de l'univers, comme vous venez de le dire. Et donc là, cette fois, parmi les centaines de modèles qui existaient à l'époque, presque tous ont été éliminés et on n'a plus gardé que la sous-catégorie de modèles qui impliquait une distance aussi grande. Après, ces modèles étaient presque tous des variations autour de la même idée, du fait que c'est des événements qui impliquent une énergie colossale. J'ai dit, c'est vraiment intrinsèquement, c'est les phénomènes les plus brillants connus dans l'univers. Là, pour le coup, il n'y a pas tellement de choix, c'est des phénomènes cataclysmiques à un coup. C'est impossible d'imaginer des sources qui feraient ça plusieurs fois. Stéphane Corbel. Juste voilà, pour préciser l'ordre de grandeur, en fait, tout à l'heure on parlait de sources radio, donc on parlait de photons radio qui sont peu énergétiques. L'énergie libérée, c'est de l'ordre de, en gros, l'énergie libérée pendant le soleil pendant deux semaines. Là, avec les sursauts gamma, on parle, comme c'est des rayons gamma qui sont très énergétiques, c'est l'énergie qui serait libérée par le soleil pendant toute sa vie. Donc il y a vraiment plusieurs ordres de grandeur qui sont en une impulsion. En une impulsion, En quelques secondes. Voilà, donc c'est vraiment la différence en termes énergétiques, en fait. J'ai une autre question. Comment se fait-il qu'on ait détecté facilement plusieurs sursauts gamma, là où on a du mal à détecter une grande quantité de sursauts radio rapides? Je pense que la différence, c'est qu'assez naturellement, les détecteurs gamma sont rapidement des instruments à grand champ, surveillent assez naturellement une grande partie du ciel, ce qui est moins naturel en astronomie radio, comme l'expliquait Stéphane tout à l'heure. Mais qui est en train de devenir maintenant, on a des instruments grand champ en radio, donc ce qui fait qu'on détecte justement ces sursauts radio rapides maintenant. En fait, la compréhension des sources gamma, il est venu grâce en fait à l'identification des contreparties à d'autres longueurs d'onde. Donc ce qui a permis d'identifier la source dans des galaxies, voir où ils étaient localisés dans la galaxie, donc voir par exemple si on a des objets associés à des populations jeunes, associés éventuellement à des populations âgées, et finalement on s'est rendu compte qu'il y a deux catégories de sursauts gamma, des sursauts longs qui sont alors quelques secondes, et des sursauts courts, typiquement en dessous de la seconde, et on a vu qu'ils n'étaient pas localisés dans les mêmes zones. Donc les sursauts longs étaient plutôt associés avec des populations d'étoiles plutôt jeunes, et les sursauts courts avec des populations d'étoiles âgées. Donc ce qui traduisait aussi des informations sur la source centrale. Alors justement, question, puisqu'on a réussi à recouper les informations, qu'est-ce qui est à l'origine de ces sursauts gamma, Frédéric Dagne? Alors en fait, donc, comme vient de l'expliquer Stéphane, il y a deux catégories de sursauts gamma. Les sursauts gamma longs sont les plus fréquents et ils ne se produisent que dans les galaxies qui forment encore des étoiles. Et ça, c'est l'indication de ce que Stéphane appelait une population stellaire jeune, parce qu'on sait que justement, les épisodes de formation d'étoiles sont pas permanents dans les galaxies. Donc là, on observe des étoiles se former, et automatiquement, l'astrophysicien dans ce cas-là sait que le sursaut gamma va être associé à des étoiles massives. Parce que les étoiles massives ont des durées très très courtes de vie par rapport aux échelles de temps dans une galaxie. Donc en gros, elles naissent et elles meurent. Et donc, si on voit des étoiles massives mourir, voilà, et on sait que c'est dans des régions où des étoiles se forment. Massives, toujours, plus de 8 à 10 fois la masse du Soleil. Et donc, les étoiles massives, on savait déjà qu'elles explosaient en fin de vie. C'est le phénomène de supernova. Et d'ailleurs, les supernovas, disons, dites gravitationnelles, donc des effondrements d'étoiles massives, elles aussi ne se produisent que dans des galaxies à formation d'étoiles. Et là, vu la rareté des sursauts gamma, on est sans doute face à un cas particulièrement extrême d'effondrement d'étoiles massives, sans doute particulièrement asymétrique, par exemple ça peut être en partie lié à la rotation initiale de l'étoile, qui fait que l'explosion ne va pas être très symétrique, mais qu'il va y avoir une région préférentiel le long de l'axe de rotation où de la matière va être éjectée à des vitesses très très proches de la vitesse de lumière, ce qu'on appelle des jets relativistes. Et ce qui fait le sursaut gamma, c'est la présence de ce jet relativiste. Dans un jet relativiste, il va y avoir des processus très particuliers qui vont accélérer des particules et produire du rayonnement gamma. Ça peut être des chocs, ça peut être une réorganisation du champ magnétique qu'on appelle de la reconnexion. Et du fait que le jet est en mouvement à une vitesse proche de la lumière, ça c'est une prédiction maintes fois vérifiée de la relativité restreinte, eh bien, elle va focaliser son rayonnement vers l'avant, ce qui fait un effet d'amplification très important. Le sursaut gamma, même à grande distance, devient donc très brillant. Mais une contrepartie de ça, c'est qu'on ne peut le détecter que si on est bien orienté par rapport au jet. Mmh. Les sursauts gamma dans la nature sont donc sans doute beaucoup plus nombreux, mais on ne voit que ceux qui pointent vers nous. Ça, c'est pour les sursauts gamma longs. Et alors, pour finir avec les sursauts gamma longs, il y a une étape qui a été très importante pour confirmer cette association. Donc, les galaxies étaient un indice fort. Mais on a maintenant un certain nombre de sursauts gamma longs proches qui sont associés aussi à une supernova, dont on sait déjà que c'est la signature de la fin de vie d'une étoile massive. Et ça, c'est vraiment la boucle est bouclée. Après, ça ne veut pas dire qu'on a une compréhension fine et détaillée. C'est une physique dans des conditions extrêmes, qui est très difficile à modéliser dans les détails, mais globalement, plus personne ne doute que les sursauts gamma longs sont liés à l'explosion de certaines étoiles massives. Ça, c'est très clairement établi. Alors pour l'autre groupe, c'est plus compliqué. D'abord, ils sont plus courts, donc il y a moins de signal, donc ils sont plus difficiles à localiser, donc on en a peu qui sont bien localisés. Mais essentiellement, comme tout à l'heure, les sursauts gamma se caractérisent par des durées très courtes, donc de toute façon, on sait qu'ils doivent être associés à des sources très petites, des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Donc ce qu'on cherche, c'est des phénomènes cataclysmiques qui forment une étoile à neutrons ou un trou noir. L'effondrement d'une étoile massive, c'est ce qu'expliquait Stéphane tout à l'heure, ça forme naturellement ça. Et on n'a pas tellement d'autres scénarios possibles. Et l'autre grande classe de phénomènes qui provoque ça, c'est ce qu'on appelle la coalescence d'un système binaire d'objets compacts. L'idée, c'est que les étoiles vivent très souvent en groupe. Donc si vous avez maintenant un système binaire de deux étoiles massives, elles vont toutes les deux évoluer, faire une supernova et devenir par exemple une étoile à neutrons. Si le système résiste aux deux explosions d'étoiles, ce qui est ainsi important, eh bien, ce que dit la relativité générale ensuite, c'est que ces étoiles, très progressivement, vont se rapprocher en émettant des ondes gravitationnelles. Et ça, ça a été confirmé de manière très très belle en 2017. Voilà, Je suis persuadé que vous avez eu... On en a parlé maintes et maintes fois, la détection des ondes gravitationnelles par coalescence de deux étoiles à neutrons. Voilà. Et dans ce cas-là, il y a eu un sursaut gamma court associé, ce qui a confirmé les idées qui étaient énoncées depuis pas mal d'années, que, a priori, les sursauts courts, le plus naturel, c'était de les associer à ces objets. Mais alors, du coup, la question, c'est que dit, puisqu'il y a une étude qui a été publiée là aussi, il y a 15 jours, qui est assez passionnante, qui établit un lien entre des sursauts gamma et ce qu'on appelle des hypernovas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une hypernova, Frédéric Day? Alors, en fait, une hypernova, c'est une catégorie un peu particulière de supernova qui est particulièrement énergétique, on va dire, le phénomène est plus brillant qu'il ne l'est habituellement. Une étoile hypermassive? C'est pas forcément la masse de l'étoile qui fait tout, la rotation peut jouer un rôle, comme je le disais. Mais en tout cas, l'association sursaut gamma hypernova était déjà connue, puisque quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelques sursauts gamma associés à des supernovas, en fait, justement, précisément, c'est plutôt à des hypernovas. Là, ce qui est nouveau, me semble-t-il, c'est que il y a un suivi de la courbe de lumière de cette supernova ou hypernova associée qui est particulièrement bien fait et très précocement et qui montre une évolution dans la lumière émise avec une phase précoce qui ne correspond pas à la courbe de lumière habituelle de la supernova et qui peut être interprétée comme un phénomène lié justement au développement du jet relativiste dont on a besoin pour les sursauts gamma. L'idée, c'est que on a affaire donc à une source assez complexe. Le cœur de l'étoile s'effondre pour former, par exemple, une étoile à neutrons, ou voire, dans les cas les plus extrêmes, un trou noir. Toute la matière ne tombe pas dans le trou noir. Il y a en particulier toute l'enveloppe de l'étoile qui est encore autour, qui va alimenter un disque, qui va nourrir la source centrale. Une partie de la matière est éjectée, c'est ce qui fait habituellement, immédiatement, c'est ce qui fait la supernova. Et puis la source centrale, ce trou noir et ce disque, ou cette étoile à neutrons et ce disque, va générer un jet relativiste. Ce jet relativiste va donc devoir se propager dans l'éjecta responsable de supernova. Et l'interaction du jet et de cet éjecta est assez délicate à modéliser. On appelle le cocon aussi, une espèce de cocon qui va entourer le jet. Et il y a l'idée que dans cette nouvelle observation, on serait peut-être en présence de l'émission initiale de ce cocon, ce qui serait quelque part une validation d'une partie de ses idées sur cette interaction entre l'émergence de ce jet et l'éjecta de la supernova. Donc bien sûr, là, c'est un cas, c'est en partie modèle dépendant, donc il faut rester prudent, mais c'est quand même assez intéressant parce qu'effectivement, il y a un suivi particulièrement fin du point de vue temporel et spectral d'ailleurs, qui permet pour la première fois de montrer ce genre d'effet. C'est sursaut gamma pour le moment où on les détecte aussi relativement loin. S'ils étaient proches, ce serait compliqué. On estime que la Terre en a peut-être absorbé dans son histoire, qu'il y a une forte probabilité de chance que ça se soit produit beaucoup plus près de nous et que ça a eu d'ailleurs des effets délétères sur l'écosystème terrestre. Qu'en pensez-vous ? Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de cette question-là, mais je sais qu'effectivement, il y a des personnes disons, sérieuses qui ont étudié la possibilité de provoquer certaines grandes extinctions avec un sursaut gamma. Donc l'idée de base, c'est que si le sursaut gamma est assez proche, le flash gamma est tellement intense qu'il peut détruire la couche d'ozone dans l'atmosphère, et dans ce cas-là, le rayonnement ultraviolet devient très très intense. De mémoire, dans ces études, il faut un sursaut gamma vraiment très très proche, c'est-à-dire dans notre banlieue de la galaxie. Or, à l'échelle d'une galaxie, les sursauts gamma sont extrêmement rares. Donc, y a une autre difficulté éventuelle, c'est que les observations les plus récentes semblent montrer que, au cours de sa vie, une galaxie ne montre pas en permanence, ou plutôt les étoiles d'une galaxie ne montrent pas en permanence la même efficacité pour faire des sursauts gamma. Plus la composition chimique de la galaxie évolue dans le sens d'un enrichissement, moins il y a de sursauts gamma. Donc, c'est à mon avis très difficile de conclure sur ces extinctions. En plus, voilà. Mais disons, je sais qu'il y a quelques ordres de grandeur qui disent que ça pourrait coller pour certaines extinctions. Voilà. Je ne sais pas si ça va au-delà de ça. Pour conclure, quelle est aujourd'hui la suite justement dans l'exploration de ces sursauts gamma? Quel type d'instrument peut nous permettre de peut-être justement de les saisir de manière plus fine, plus pointue, d'en apprendre un peu plus, Frédéric Denis? Voilà, ce qui est vraiment intéressant en ce moment, c'est l'émergence de l'astronomie gravitationnelle, puisque donc on a eu ce cas en 2017. Au printemps, va reprendre une campagne de prise de données des interféromètres gravitationnels LIGO et Virgo. On s'attend donc à de nouvelles détections de coalescence d'étoiles à neutrons. Et l'idée, c'est que là, cette fois, le phénomène est vu beaucoup plus proche, mais de côté. Et donc, en combinant un ensemble d'observations de ce type-là et les sursauts gamma habituels, quelque part, c'est comme si on voyait un très grand nombre de fois le même phénomène sous plein d'angles différents. Je rappelle que c'est des phénomènes à un coup, donc chaque fois, on ne le voit qu'une fois. Mais le fait qu'on voit 100 fois des phénomènes semblables, on les voit sous différents angles. Et on va donc, pour la première fois, je pense, pouvoir, mais c'est un travail sur quelques années, reconstruire la géométrie complète de l'éjection qui suit ces phénomènes cataclysmiques. Et ça, c'est assez passionnant de voir se construire quelque chose qui était des idées il y a une dizaine d'années et qui tout à coup devient extrêmement concret. Voilà. Stéphane Corbel, pour conclure. Juste pour compléter, c'est qu'il faut que l'auditeur comprenne que là on est en train de vivre une époque de l'astrophysique où il faut en fait observer avec des tas de longueurs d'onde en même temps, des phénomènes, voire multimessagers, des neutrinos, etc. On est en train de vivre, de combiner des observations à différentes longueurs d'onde, mais simultanées. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Et vous imaginez de coordonner tous ces télescopes dans le monde. Il y a un effort qui est fait avec des choses qui sont faites automatiquement, des télescopes qui réagissent automatiquement. Et ça, c'est considérable. Et ça apporte une richesse de la physique, des phénomènes. C'est crucial pour la suite, en fait. L'astronomie multimessager, je pense que ça vaudra le coup de faire une émission complète pour bien comprendre effectivement toutes les informations que l'on peut compiler grâce à l'observation de ces différentes longueurs d'onde. Merci beaucoup en tout cas Stéphane Corbel, merci Frédéric Denis d'être venu nous parler des sursauts radio rapides et des sursauts gamma. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Céline Lezen, Éléonore Pérez, Antoine Beauchamp, Nomina Guette-Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Clément Daté à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique demain, nous parlerons du futur du grand collisionneur de Hadron, le LHC du CERN qui a annoncé la mise en chantier d'un nouveau modèle d'accélérateur de particules passant de 27 à 100 km de diamètre. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.